Oh, oh, oh, oh, well, my love. Viens, mets-toi sur les lights, je veux te regarder là. Montre-moi ce que j'adore, détends-toi, je crois que nous sommes seuls à bord. Et en mode public averti, ta peau sur ma peau, comment t'es là. Je veux ton temps, toutes tes pensées, je veux que tu sois mienne. Je te veux toute la night, mais je dois t'avouer d'abord que je ne suis qu'un homme énervé. J'imagine des trucs sales, plutôt sombres et hardcore. Bébé, quand je vois ton visage, en ta présence, je me sens riche. Location. C'est quoi la mécanique, tu es un homme bindo. Location. Moi, je ne joue pas, je triche. T'es l'official. T'es l'official, yeah, yeah, yeah. Toi dodo, je veux te regarder là. À ta combre, je veux parler. Tu me donnes chaud et je suis troublé, j'avoue. Et tout ce que tu portes, j'aimerais l'enlever. Prends ton temps, le kesha quand tu rides sur moi. Avec tout, oui, donne-moi tout. Dis-moi que t'as faim de moi, bien sonne tout. Je veux te donner tout ce que tu aimes pour que tu viennes. Je veux que tu t'en rappelles, ne résiste pas, laisse nos corps s'accorder. El Maya Love, tout ce que tu aimes m'excite. Là, je suis ton maestro, t'es mon piano. Bienvenue à bord, là mon désir s'exprime. Toi sur moi sur toi, c'est l'heure d'y aller. En ta présence, je me sens riche, location. Je sais pas comment tu es un location. Moi je ne joue pas, je triche. T'es l'official.